Temps de veille, de Violaine Schwartz. Épisode 3, ayez toujours le sourire. Would it take some way to the sound? If it get the wrong road for these workers, it could be seven. It could be Frank. It could be very French. Veille. Je peux vous donner les prénoms de tous les patrons. D'abord, il y a eu Monsieur Albert. Puis il y a eu Monsieur Gérard, qui était le financier. Puis Monsieur Bernard, qui était l'administratif. Puis Monsieur Philippe, qui s'occupait des ateliers. Puis Monsieur Henri, qui était le commercial. Puis Monsieur Didier, qui était responsable du service informatique. Bah, les chefs, c'était que des hommes. Ils étaient tous frères ou cousins. Les filles, elles ne rentraient pas dans l'entreprise. Hein. Les gendres non plus. Ça restait dans la famille. La collaboration de chacun nous est indispensable pour obtenir le résultat désiré. On fabriquait 300 vestes par jour. Pied de poule, carreau, fallait tout raccorder. Impeccable. Fallait plaire au chef d'atelier, hein, c'est tout. Moi, j'étais volante parce que je travaillais vite. C'est une qualification quand même. Et pourtant, j'étais pas payée plus. C'est dégueulasse. Parce que je l'ouvrais, c'est tout. Il vous appartient de nous apporter le concours que nous attendons de vous. Et la cantine ? Oh, c'était une salle toute en longueur, avec un plafond, mais très très bas. J'avais lu dans un livre que chaque fois que les ouvriers ne donnaient pas satisfaction, le plafond était descendu d'un cran. Ben là, c'était pareil. Ah, la cantine, c'est comme si on était puni. Mais nous, on s'amenait notre gamelle, on mangeait dehors quand il faisait beau. Et puis on en profitait pour faire notre couture entre midi et deux. Ben oui. Oui. Pendant la pause, on se faisait des habits pour nous, avec des chutes de chez Veille. Les chefs, ils nous disaient rien. C'était pratique, il y avait toutes les machines. Et puis même parfois les chefs, ils nous conseillaient. Vous devriez faire comme ci, comme ça. Tout n'était pas si mauvais quand même. On était bien chez Veille. Nous sommes particulièrement fiers de l'esprit qui règne chez nous. Il est basé sur l'enthousiasme et la foi en l'avenir. Je suis restée jusqu'au bout. J'ai été licenciée en 95. Je me rappelle, ma mère, elle me disait « Arrête, tu vas retrouver du boulot. » Et moi, « Oui, mais pas comme celui-là. » J'ai pas voulu partir de chez Veille. C'était dur, mais on avait nos habitudes. Oh, qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Moi, j'ai acheté une ancienne machine à coudre, en souvenir. Un des derniers modèles. Une des FAF, là. Ouais, neuf, ça valait bonbon, ça. C'était des vrais petits robots. C'était du matériel allemand. Très performant. C'est parti dans les pays de l'Est, en Inde et tout. C'est toujours pareil. Quand une entreprise est mise en liquidation, il y a des requins qui viennent de partout pour acheter du matériel pas cher. Moi, je suis parti avant la fin. J'avais bien vu que les carottes étaient cuites. On a subi la mondialisation un peu avant les autres. Moi, je comprends les patrons d'une certaine façon. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait bien s'adapter. Et tu sais, les ex de Le Jabi, elles se sont lancées dans le haut de gamme. Elles font des soutiens-gorge à 200 euros. Pour les pays du Golfe, les pays qui ont du blé. Bon, en France, il ne reste plus que des niches de luxe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de mécaniciens. Quand une machine tombe en panne, ils sont obligés de faire venir un gars de l'étranger. Ici, ça n'intéresse plus personne de réparer les machines. Pourtant, ce n'était pas la plus mauvaise place. Hein. Nous chercherons toujours à améliorer les conditions de travail, ainsi que la production, par l'achat du matériel le plus moderne. Un jour, j'ai fait un meeting dans l'atelier. Je suis monté sur un petit escabeau, là. Et là, M. Philippe arrive. Il me regarde et il me dit vous descendez pas ? Je lui dis non, je suis bien comme ça. Ouais. Comme ça, on peut parler d'égal à égal. Ça, c'était juste avant la dernière grande guerre. La dernière grande grève. Oh. On en a connu trois mouvements de grève. Ouais, c'était à peu près tous les 7 ans, comme les élections présidentielles. Ayez toujours le sourire. En fait, on a fait la grève, mais ça a servi à rien du tout. Ils nous ont licenciés quand même. Ils nous ont foutus à la porte. Avec une prime de licenciement, 40 000 francs. Plus l'ancienneté qu'on avait, calculée sur le SMIC, 5 000 francs à l'époque. Enfin, le SMIC, on l'avait pas. Hein. Sauf quand on faisait des heures sup. C'était le seul moyen de toucher un peu plus. Le soir, on faisait du balayage. Et puis, on faisait la vente à Chaillot le samedi matin. Les gens se battaient pour acheter des fringues à prix d'usine. Il y avait la queue à partir de 5 heures du matin. Ils venaient de toute la Franche-Comté. Ça faisait pas plaisir aux commerçants du coin. Et les gens, ils achetaient. Mais nous, on n'était pas payés plus. On a fait des efforts pour rester. On était dans les meilleures ouvrières de veille, hein. Celles qui allaient le plus vite. Celles qui travaillaient le mieux. Ouais, c'est pas pour autant qu'ils nous ont fait un cadeau. Ils nous ont mis à la porte quand même. Et puis c'est tout. C'est tout. Y a rien à rajouter. Ayez toujours le sourire. L'entreprise textile, deuxième fabricant de vêtements français, ferme son site de production de Besançon. Ce qui signifie le temps de veille de Violaine Schwartz. Avec Sophie Doll, Chantal Joblon, Jean-Claude Frissung, Pascal Rome, Étienne Launay. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Delphine Baudet, Yannick Magnien. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Pablo Valero. Réalisation, Laure Egoroff. D'après Tableau de veille de Violaine Schwartz, publié aux éditions POL.